éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Cette fois-ci, j'aimerais vous parler d'une écrivaine qui a su imposer sa plume dans un monde littéraire dominé par les hommes, Colette. Née en 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye dans l'Yonne, Colette, de son vrai nom, Gabrielle Sidonie Colette, commence à écrire à une époque où les femmes autrices sont encore peu reconnues. Ses premiers romans, Les Claudines, rencontrent un immense succès, mais ils sont publiés sous le nom de son mari. Son écriture est lue, admirée, mais son identité reste invisible. Cette situation illustre une réalité profondément injuste. Le talent des femmes existe, mais il est souvent effacé. Peu à peu, Colette reprend son nom et sa place dans le paysage littéraire. Elle impose un style unique fait de précision, de sensations et d'attention au quotidien. Son écriture, parfois jugée trop intime, va pourtant toucher un public très large. Les œuvres de Colette sont traduites, lues à l'international et reconnues bien au-delà des frontières françaises. Elle prouve ainsi qu'une écriture tenue par une femme peut être universelle. Même si elle ne le définissait pas comme telle, ce succès est aussi un combat féministe. Colette n'adapte pas sa plume pour correspondre au code masculin de la littérature. Elle écrit le corps, les émotions, le désir, avec une liberté nouvelle. Elle écrit aussi l'amour sous toutes ses formes, y compris l'amour entre femmes, à une époque où ces sujets sont presque impensables. Elle choque, elle dérange, mais elle ne s'excuse jamais. En donnant de la valeur à ces thèmes longtemps méprisés, elle change le regard porté sur l'écriture féminine. Vers la fin de sa vie, Colette est reconnue comme une grande figure littéraire française. Mais ce qui la rend encore unique aujourd'hui, c'est son message, celui d'une femme qui a choisi d'être libre, coûte que coûte. Quand elle meurt à Paris le 3 août 1954, ce fut la première femme à avoir droit à des obsèques nationales, la République reconnaissant son talent et sa légitimité à reposer auprès des plus grands. Colette laisse ainsi derrière elle un héritage essentiel, celui d'une plume féminine forte et surtout libre.